beaucoup le marché. Tu as une idée de ce doit être par là, non? Je sais pas. Est-ce que là c'est fermé? Ouais, il y a des... Ah bah oui, non, je ne peux pas passer. Attends, il y a un escalier sur le côté, Luc. Ouais. Ça devait être joli à un moment. Effectivement, il y a quand même. Ah bah oui, il y a des poubelles là. Tu crois qu'ils jettent les choses par les fenêtres? Ben ouais, je pense. Ouais. Ouais. Je sais pas vraiment où c'est. Les immeubles qui ont été détruits, tu sais. On dirait que ça a cramé ici. Ouais. C'est indiqué la descente aussi. Non, c'était en haut. Espèce associatif. Oui, mais il y en a pas. Ouais, non. Je sais pas où elle marchait du coup. Tiens, regarde, le marché, il doit être par là. Oui, il y a la dame qui est avec des gros sacs. Voilà, ouais. Bonjour. Il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Ah oui, oui. On nous a parlé du marché. Voilà. Ah ben ouais, le marché, ben, ça a bien changé. Oui. Oula. Oui, oui. Voilà, j'habite ici depuis 72. Ah oui. On a acheté donc, sur plan. Depuis le début. Eh bien, ça a changé, je vous dirais, bien à 80%. Ah oui. Et on avait trouvé ça, on a dit, oh, c'est pas mal, voilà. Et c'est, en effet, c'était très bien. Bien, comment dire, les personnes, les habitants, voilà, c'était... Tout ça a bien changé, oui. Puis bon, au bout déjà d'une quinzaine d'années, on a commencé à vendre et bon, moi je suis toujours là. Mais dans le quartier, c'est un peu le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des journées où on va rencontrer des personnes très sympathiques, des familles qui vont s'arrêter ici pour faire jouer les enfants, et des journées où au contraire, ça va être plus monopolisé par des jeunes un peu désoccupés, qui vont faire du bruit, qui vont taper dans les portes. Mais qu'est-ce que tu restes là-bas? Mais c'est un mauvais quartier, mais ça va pas, il faut partir là-bas. Bon, c'est vrai que des fois, ça fait peur. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas que les, ouais, que les commerces ne soient pas ouverts, parce que je pense que ça serait ouvert. C'est le meilleur moyen de rencontrer ses voisins. Hein. Et là, bah, vu que tout est fermé... Là, j'ai vu qu'il y a la maison des habitants. Alors ça, c'est pas mal par contre. On en sort. Voilà. Vraiment, la maison des habitants propose beaucoup de choses quand même. Oui, des cafés le matin pour les habitants, des temps d'échange, de partage. Mais c'est vraiment le seul organisme, on va dire, qui essaye de faire un lien entre les différents immeubles. Il y a des appartements qui ont été saisis. Ici, personne ne veut venir. Les appartes, s'il faut les donner, quoi. Mais en tout cas, ça reste un beau quartier. Enfin, toutes les personnes qu'on a croisées et qui vivent là depuis plus ou moins longtemps nous disent que ça reste un beau quartier. D'accord. Oui. Bon, bah, bonne journée. Merci. Bonne continuation à vous. Merci. À vous. Bon, moi, là, c'est toi, je vais rentrer. Ouais, bah, je vais t'accompagner parce que moi aussi, j'ai trop. Oui. Non, moi, je sens que ça devient dramatique, la gorge. Il ne faut vraiment pas que je retombe malade.